Hésitation par Jeep. 16 mai. Décidément, ils m'aiment bien tous les deux. Moi, je n'en aime qu'un. Heureusement. Ce matin, il a été très, très pressant. Et l'autre, qui était derrière nous. J'avais une peur atroce qu'il entendît ce que me disait Hubert. Un joli nom, Hubert. J'avais encore plus peur qu'il entendît ce que j'ai répondu. Je ne savais plus ce que je disais. J'ai perdu la tête. Ah, mais là, complètement. C'est agréable, il n'y a pas à dire, de se sentir aimé d'un homme aussi charmant que lui. Pauvre Pierre, il est vraiment très bon, mais bien moins amusant que l'autre. Et c'est quelque chose. C'est même très important pour un mari d'être amusant, et c'est si rare. Un mari, encore. Il me semble que jamais je ne pourrais me décider. 20 juin. Un mois dans mon lit. Dieu que ça m'a semblé long. Mon cheval a mis le pied dans un trou et nous avons fait panache. J'ai eu le genou démis et foulé. Une jambe cassée serait déjà guérie et je ne sais pas quand je serai remise. Je souffre beaucoup et je boite lorsque j'essaie de faire un pas. Enfin, me voilà étendu sur ma chaise longue. Je puis me distraire un peu, recevoir quelques visites. J'ai commandé des robes de malade qui seront des merveilles. 22 juin. Ils sont venus, tous les deux. Ce pauvre Pierre était tout ému en me revoyant. J'ai vu l'instant où il allait se mettre à pleurer. Il est excellent, mais il manque de gaieté. Hubert a été bien amusant. Ce qui me plaît surtout en lui, c'est sa simplicité. Il n'a pas l'air de se douter à quel point il est joli garçon, élégant, spirituel. Il est tout bonnement gentil, sans l'ombre de pose. Pierre non plus n'est pas poseur. Il n'est rien. Impossible d'être moins distrayant. Il est resté là, une grande heure, et, tandis qu'Hubert parlait, il me regardait de son bon regard, plus tendre qu'intelligent. C'est certainement très beau, les grands yeux bleus, mais il faut qu'il soit vif. Sans quoi, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'œil du bœuf qui regarde passer un train. En les revoyant tous les deux, j'ai bien compris que mon choix était fait. C'est bête, mais je suis toute chagrine à la pensée de congédier ce pauvre Pierre. Enfin. 30 juin. On m'ordonne Barège ou Kreuznach. C'est désolant. Barège, dit-on, est beaucoup plus actif, mais bien moins agréable que Kreuznach. 2 juillet. Me voici installé. Je suis parti sans rien dire à personne, pas même à lui. Il me faut un traitement sérieux, sans émotion, sans plaisir et sans tristesse. C'est tout gentil, Kreuznach. Je louais un ravissant petit chalet qui disparaît sous les fleurs. Rosiers grimpants, vignes vierges, chèvrefeuilles. Je n'ai jamais vu une telle abondance de plantes. Je suis très près du Kurhaus, un grand établissement, triste, noir, affreux. De mes fenêtres, je vois les petites boutiques, qui sont placées vis-à-vis des chalets tout le long de la grande allée des tilleuls. Derrière les boutiques coule la Nahe, petite rivière aux allures de ruisseau. Bariolées et drôlettes, ces petites boutiques font mon bonheur. On y vend des bijoux de cornaline, de marbre, d'onyx et d'ambre. C'est la spécialité du pays. Puis des verres de bohème, des bijoux et des étoffes turques, des livres français bizarrement entassés. Nana se frotte amicalement contre le génie du christianisme, tandis que les liaisons dangereuses coudoient l'abbé Constantin. Il y a aussi une boutique d'oiseaux et d'objets japonais, des chapeaux de paille, des meubles viennois en bois ondulé, etc., etc. Je passe des heures entières assis sur mon balcon, à regarder le perpétuel grouillement de l'allée. La vie est calme. Je prends mon bain chez moi, c'est un des grands agréments de l'organisation de Kreuznach. Partout ailleurs, il faut aller à l'établissement. La source où l'on boit est au fond du parc. C'est la seule promenade qui me soit permise. À 4 heures, il y a de la musique, et le soir, bal ou comédie au Kurhaus. Mais quel bal et quel théâtre! J'ai eu la curiosité d'aller voir ça hier, parce que j'avais dîné au Kurhaus avec Gilberte et son mari. C'est affreux. Il y a cependant beaucoup de femmes élégantes cette année. Russes, américaines, françaises, viennoises. Car des Anglaises et des Allemandes, il ne faut pas parler. Si Hubert était ici, quelles amusantes observations il ferait. Il me tarde de le revoir. Je regrette presque d'être parti sans le prévenir. Comment ? Est-ce que je l'aime déjà tant que ça ? 4 juillet. Pierre est ici. C'est lui qui est venu me rejoindre. Quelle déception! Ce matin, je revenais en boitant de la source quand j'entends une voix. « Voulez-vous, madame, prendre ce bras qui n'est ici que pour vous servir d'appui si vous daignez l'accepter ?» Il a des phrases comme celle-là. « Mon Dieu, oui. Naturellement, je l'ai pris, son bras. Comment refuser le bras d'un homme qui vient de passer 16 heures en chemin de fer pour vous l'offrir ? Ça n'était pas faisable. » D'autant plus que le pauvre garçon semblait impressionné. Il était tout timide. Au fond, je suis convaincu qu'il m'aime beaucoup, bien qu'il ne me l'ait jamais dit, comme l'autre. Personne, du reste, ne me l'a jamais dit, aussi bien que l'autre. 6 juillet. Il me soigne à merveille, ce pauvre Pierre. Il me promène, il m'apporte des fleurs. Il m'emballe quand vient la fraîcheur. Enfin, c'est un père pour moi. Mais il ne m'amuse pas. C'est désolant. Celui qui m'amuse m'a sans doute oublié. 10 juillet. Non, il m'aime encore. Hier soir, nous avons été en bande dîner au Courthouse. C'est vraiment drôle, cette table d'hôte, et de temps en temps, on va se distraire en regardant toutes ces bonnes têtes. En face de nous, à côté de Gilberte, il y avait une place vide. Sur le couvert était posé l'écriteau rouge qui annonce que la place est retenue. Vers la fin du dîner, un monsieur arrive. C'était lui. J'ai cru que je rêvais. C'était Hubert. Plus charmant que jamais, avec ses épais cheveux bruns naturellement ondulés, ses moustaches blondes, ses grands yeux noirs caressants. Et il était si correct, si élégant au milieu de tous les autres. Ce pauvre Pierre avait l'air d'être son domestique. Je me sentais rougir et pâlir, et j'éprouvais une immense joie en pensant qu'il était là pour moi. Bien entendu, il a commencé par passer en revue notre bout de table. C'était bien drôle. Il a un esprit si fin, si souple, et il imite si plaisamment l'éthique et l'accent de chacun. Après dîner, il nous a forcés à rester au Courthouse. Nous avons assisté au bal au lieu de nous réunir chez l'un de nous comme ça se fait d'ordinaire, et de nous coucher à 10 heures. J'étais bien fatigué, mais je m'amusais tant. J'ai eu cependant un instant de chagrin. Hubert voulait absolument me faire valser. On jouait le Blow It Down Now. J'avais beau lui affirmer que ça me ferait du mal, il ne me croyait pas. Pierre, pour le convaincre, lui a dit que je boitais. Pourquoi lui avoir dit ça? Je sais bien qu'il s'en serait aperçu demain, mais enfin, j'ai cru que j'allais me fâcher. 12 juillet. Hubert a passé toute la journée près de moi. Quel charme, quel esprit, quelle vivacité! Ce pauvre Pierre, lui, n'a pas paru. Il a compris, pauvre garçon. Il est vrai que je n'ai guère pensé à lui, et que cette journée s'est écoulée avec une effrayante rapidité. Par exemple, nous avons beaucoup circulé. Je suis brisé et ma jambe me fait souffrir ce soir. Comme il cause bien, avec quel tact il raconte les histoires les plus lestes, comme il gaze légèrement, et suffisamment pourtant. Jamais près de lui je ne connaîtrai l'ennui, pourvu que je puisse marcher demain. Ma jambe est raidie et douloureuse ce soir. 15 juillet. Si cela continue, je vais retomber tout à fait. J'ai trop abusé de mes forces tous ces jours-ci, promenade en bateau, à âne, à pied, en voiture. Et le médecin m'avait expressément défendu de faire autre chose chaque jour que le trajet de la source. Je craignais de contrarier Hubert. Je sais qu'il adore le mouvement et je comprends ça, il a une si belle santé. Ses natures vigoureuses et exceptionnellement trempées ne peuvent pas vivre comme des natures ordinaires. Et puis je suis jalouse, oui, jalouse de cette Russe, je la hais, cette Stolikov. Elle est si belle avec ses yeux verts, ses cheveux roux et son teint laiteux. On la dit scrofuleuse. Mais baste, qu'est-ce que ça fait? Les hommes aiment peut-être ces horreurs-là. Depuis 3 jours, Hubert ne la quitte pas des yeux. Et il a fait reculer nos couverts au bout où elle dîne. Hier soir, après m'avoir amené ici, il est retourné au Courthouse, j'en suis sûr. Je suivais son ombre de ma fenêtre. Mon Dieu! Mais ce ne serait pas une vie d'être torturée ainsi. Je suis folle. Je me croyais l'âme plus haute que ça. Jalouse. Et d'une femme comme celle-là encore. Et je souffre tant ce soir. J'étais mal assise dans ce bateau, parce que lui, pour ramer, était obligé d'être très à l'aise, alors mes jambes étaient repliées. Je n'ai pas revu Pierre. Il a dit à Gilberte qu'il allait à Wiesbaden. 17 juillet. J'ai dit à Hubert tantôt que je me voyais forcé à renoncer aux promenades. Il m'a répondu qu'il comprenait parfaitement ça, que quand on était aux eaux, c'était pour se soigner avant tout et qu'il fallait être bien raisonnable. Je n'espérais pas lui voir prendre si bien la chose. Je crains tant qu'il s'ennuie avec moi, sans remuer. Il a été charmant. « Il faut, m'a-t-il dit, être une bien gentille petite malade, bien tranquille, bien sage. Nous remuerons quand vous serez guéri. » Cher Hubert, qui va se condamner au repos à cause de moi, quelle privation pour lui. Et faut-il qu'il soit bon pour me sacrifier toutes ces promenades? De cette façon, il verra moins souvent la Russe. À quelque chose, malheur est bon. Il m'a semblé ce matin apercevoir la silhouette de Pierre. Pauvre Pierre. 18 juillet. Je suis très malheureuse. Je croyais qu'Hubert allait rester avec moi. Je ne suis plus étonnée qu'il ait si bien accepté tout ce que je lui disais hier. Qu'est-ce que ça lui faisait puisqu'il se promène seul? Pourquoi est-il venu me rejoindre à Kreuznach si une fois qu'il y est, il ne reste pas près de moi? J'étais si joyeuse. Cette vie à deux me paraissait si douce. Il m'amusait tant. Oui, c'est précisément ça. Il m'amuse et moi je l'ennuie. Eh bien, il est égoïste, voilà tout. Est-ce que tous les hommes ne le sont pas, plus ou moins? C'est moi qui suis une sotte d'avoir cru que le monde se dérangerait pour moi. Il n'est pas parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? Demain, je lui dirai de ne pas m'envoyer ainsi continuellement des bibelots. Un jour, c'est un porte-bouquet de bohème, le lendemain, un collier japonais, aujourd'hui, cette étoffe turque. Enfin, des présents comme à une reine ou à une fille. C'est d'un goût détestable. Au moins, ce pauvre Pierre ne m'envoyait jamais que des fleurs. Il est parti tout à fait. J'étais si peu gentil pour lui. Je l'ai si carrément mis de côté quand l'autre est arrivé. C'est mal ce que j'ai fait là. Je l'ai blessé s'il m'aimait vraiment. Et je crois qu'il m'aimait vraiment, lui. 20 juillet. Hubert est venu me voir tous les jours. Mais quelle visite! Une heure à peine, et cette heure-là ne m'appartient même pas. Tout le temps qu'il est chez moi, il pense à autre chose. Il va à la fenêtre ou arrange ses cheveux devant la glace. J'ai même, à ce propos, remarqué qu'il commence à avoir besoin de les disposer savamment, ses cheveux. Je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner à la musique et faire un tour dans le parc, que je me sentais assez bien pour sortir. Il m'a répondu qu'il était désolé, mais que, convaincu que je resterais étendu, il avait donné rendez-vous à un de ses amis pour dîner à Wiesbaden. Mon chalet me paraît triste. Le murmure de la Nahe m'irrite, les crieries des boutiques m'énervent, et je suis désagréable pour tous ceux de nos amis qui viennent me dire bonjour en passant. Gilberte m'a dit tout à l'heure qu'elle ne reviendrait que quand je serai de meilleure humeur. Je suis mécontente de tout le monde, mais surtout de moi. 22 juillet. Pierre est venu me voir. Je l'ai trouvé changé. Il m'a dit avoir été souffrant, qu'il est bon. Lorsqu'il a voulu s'en aller, je l'ai retenu, et il a paru si heureux que j'en étais touché. Il est resté toute la journée avec moi. Certes, il est moins brillant que Hubert, mais il a la causerie si facile, l'humeur si égale, que le temps s'écoule doucement et rapidement à la fois. Nous avons été à la source à 4 heures, et cette petite course, faite lentement, à mon pas à moi, m'a fait du bien. J'ai dîné de très bon appétit. Le soir, j'étais sur le balcon étendu sur ma chaise longue. Hubert est passé et a daigné monter me dire bonsoir. Puis il allait retrouver un autre ami auquel il avait donné rendez-vous au Kurhaus. Peu après, Pierre est passé aussi. En m'apercevant au balcon, il m'a dit que c'était très imprudent de rester dehors exposé à la fraîcheur du soir et au brouillard de la Nahe. Et il est monté pour me faire entrer. Je ne voulais pas. Je disais que j'étais fatigué, que je ne pouvais pas remuer. Alors il m'a prise dans ses bras et m'a porté comme un enfant sur le divan. L'autre jour, Hubert avait essayé de me porter ainsi et m'avait presque laissé tomber. Tandis que Pierre me tenait dans ses bras, il m'a semblé qu'il tremblait. Lorsque j'étais installé et que je l'ai vu sous la lumière de la lampe, il était tout pâle. Je lui ai tendu la main en lui disant merci. La sienne était moite. J'ai dit bêtement, « Est-ce que vous êtes malade ?» Il m'a répondu, « Non, je suis heureux. » 25 juillet. Pierre continue à me distraire et à me soigner si bien que je vais beaucoup mieux. Je vois à peine Hubert. Tantôt pourtant il est venu goûter avec nous. Il me traite, du reste, absolument un pays conquis. J'ai tant pris sur moi qu'il ne s'est pas douté de ma déconvenue, et il est convaincu que je lui appartiens toujours pieds et poings liés. Pierre était là lorsqu'il est parti, et Hubert, voyant combien ce pauvre Pierre me servait et m'installait paternellement, a dit en riant « Je vous laisse tous les deux. Je vois que vous entendez à merveille, et que vous n'avez pas besoin de moi. » Il ne sait pas à quel point il disait vrai. Ainsi s'achève Hésitation de Gippe.